mare nzela nyonso tokotambolaka libandeli pe na suka e pasi ya moto ekosila e moto na moto akokoma e nzela nyonso tokotambolaka libandeli pe na suka e Mon pepe pongé ma casse et y'a qu'on n'y guise à bisous.